Nathalie ou moi, zéro faute, le secret des étoiles. Denis Cristal Sassou, dans la mer. Hugues Gonondé, monsieur le maire. Sensation d'amour, la plus mortelle. Les envoyeurs regardent ailleurs, délus dans mon anatomie. Vertical, une montre, la précision. Zin, un problème, t'es chérie, votre limana. N'oublie pas, tu vas et viens. Mais tu n'as fait ma charme, ou un pina soit cadence. Bébé Nathalie, comme un coup d'envoi, kaka la kaka l'oté, ce qui a zako dégusté. Zatananga ezayayo, ce qui paye évangile, parangana comme un croyant. Olivia Bumba. Kataï, kataï, bébé. Katia Bumba. Pembe Habita, Doris Pembe Lemla, Moïse Katumbi Chapoué. Régulier chérien d'aller actif, Boyer Aïebaka, superficiel de ton angaï. Aïebaïe, dans la menu, tu es un appel à Tiaka, pour gagner la vie en vrai. Bien sûr. Kotaï, Kotaï, Chéri. Sissi Bumba. Panic pie, bétail, bébé, Tina Bouéba. Principia chérieuse à l'imperfection, Boye aïe bi, il y a des sacs en la cuite. Ripanaïe, zanga courère, et zanga va courère, sur place ou plat emporté. Ah, est-ce que vous avez la licence animale, Boye aïe gourmandise, et aïe presque bestiale. Thank you. na bitu sa kati ya miziki sango na nima kawishe kiso kiwe na ngai Tende lida na nga Bebe bebe bebe bebe mon bebe Jean Pierre Amar Tende wanda super sa ngai ya kute Tende waya kakula kute na miso posible Ya butu ye ye Tende lida na ngo Matali mona ngu Jean-Pierre.